Mais la dance solo niveau, mon tapon la sono, my selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto, on fait danser les gars et sauter tous les accros. Mais la dance solo niveau, mon tapon la sono, my selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto, on fait danser les gars et sauter tous les accros. Accro pure sélection, c'est le son qui t'entraîne. T'as pas eu ta dose, alors voilà à la tienne. On fait grincer des dents les sunboys à la traîne. La pure base des rythmes, c'est la vibe jamaïcaine. À coup de boulot, my selecta play it again. Du chapa du 6, là oui c'est le son qu'on aime. Il en sort des dizaines des studios chaque semaine. Pour te faire vibrer dans les sons de système chaque week-end. On te donne le son man au maximum. My selecta bouge ça au maximum. Faut réchauffer les cœurs, oui au maximum. Et faire bouger les têtes sans sortir le magnum. Car je suis DJ tous les jours, je fredonne. Je prends mon taf à cœur, chanter Burn Babylon. Faire passer le message pour mon peuple en freedom. Je suis le minimum qui te donne ça au summum. Mais la dance solo niveau, mon taf pour la sono. My selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto. On fait danser les gars et sauter tous les accros. Mais la dance solo niveau, mon taf pour la sono. My selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto. On fait danser les gars et sauter tous les accros. Quel est le son qui mettra tout le monde d'accord? D'accord, d'accord. Quel selecta mettra ça encore plus fort? Plus fort. Yagayo. Qu'est-ce qui calmera les bols les plus hardcore? Hardcore, hardcore. Qu'est-ce qui chassera les mauvaises vibes dehors? Dance all time. Alors si tu kiffes traîner en son système, bienvenue dans la danse car pour moi oui c'est idem. Supporter le reggae c'est ma passion suprême. Big up les sons, les artistes, tous les DJ que j'aime. C'est pour ça qu'au micro aussi je la ramène. Dénoncer les mythos et ce fucking système. Ça m'évite la rue, ses pièges et bien des problèmes. C'est la musique qui sauve le ghetto de la haine. On te donne le son man au maximum. My selecta bouge ça au maximum. Pour réchauffer les cœurs oui au maximum. Et faire bouger les têtes sans sortir le magnum. Car je suis DJ tous les jours je fredonne. Je prends mon taf à cœur chanter Burn Babylon. Faire passer le message pour mon peuple en freedom. Je suis le minimum qui te donne ça au summum. Mais la dance solo niveau, mon tap pour la sono. My selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto. On fait danser les gars et sauter tous les accros. Mais la dance solo niveau, mon tap pour la sono. My selecta te passe le son qu'il te faut. Mais la dance solo niveau, tout droit sorti du ghetto. On fait danser les gars et sauter tous les accros. Original Grand Ballet pour tous les massifs dans la place. La dance all time, you know. Ragamuffin addict. Yeah man, à l'ancienne. Parce qu'il en faut pour tous les goûts, tous les styles. Ok, ok, ok, ok.